Les chasseurs de nazis. Chapitre 2. Du gibier en tout genre. Deuxième épisode. Pour la partie de l'exemplarité morale de la justice, entre guillemets, il y a Nuremberg. Les procès de Nuremberg, ça sert à ça. Le reste... En fait, on est dans la situation d'un empire nazi qui vient de s'effondrer et tout le monde cherche dans les ruines ce qu'il peut récupérer d'utile. On fait de la ferraillerie. Qui l'eût cru ? On peut aussi lire le destin des criminels nazis dans le ciel. Le gibier a parfois droit à la clémence, comme le raconte cet archive de 1959. Il arrive parfois que des rêves commencent comme des cauchemars. En 1943, notre cauchemar s'appelait le V1. Un peu plus tard, pour tuer plus de monde encore, on inventa le V2. En l'entendant passer au-dessus de leur tête, les Londoniens ne pensaient certes pas au voyage dans la Lune, et pourtant ils ressemblaient déjà comme un frère à une fusée. L'un et l'autre, le cauchemar et le rêve, sont sortis du cerveau d'un même homme, le célèbre savant allemand Werner von Braun, devenu depuis citoyen américain et grand ordonnateur du voyage dans l'espace. Way before the war was over. Bien avant la fin de la guerre, les Américains, les Britanniques, les Français aussi, mais surtout les Américains et les Britanniques, convoitaient les dépouilles de la guerre. Ils voulaient récupérer ce qui pouvait leur servir. Et ces dépouilles, ce n'étaient pas de l'or, des calices ou des coupes en argent ou des rubis. Non, c'était les cerveaux. Implacable sur la responsabilité des Américains dans le recyclage des criminels nazis est l'historien américain Richard Rashke. C'est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Useful Enemies ». Traduction ? Des ennemis bien utiles. Un historien au fait de tous les coups tordus des services spéciaux. L'homme sur qui Hitler comptait pour raser l'Angleterre peut-il être le même qui se rendait sourire aux lèvres aux Américains à l'heure où son pays succombait ? We took the best. On a pris les meilleurs. Von Braun. Par exemple, Von Braun. He did the V2 rocket. Il avait dessiné la fusée V2. Et heureusement pour les Alliés, notamment pour Londres, les généraux allemands ne croyaient pas en Von Braun. Ils ont tout fait pour lui barrer la route. Von Braun avait donc cette formidable V2 qu'il avait testée, qui lui avait demandé beaucoup de travail. Et bon sang, ces missiles pouvaient détruire la moitié de Londres. Et on l'avait caché à Hitler. Et Von Braun était tellement furieux qu'il a tourné un film en couleur de sa fusée en train de décoller. C'était superbe, vous savez, quand on voit ces énormes boules de feu qui sortent de ces trucs et comment elles s'élèvent dans le ciel bleu. Hitler a vu le film. Je la veux, je veux. Nous allons lancer 5000 par semaine. Nous allons détruire Londres. C'était trop tard. Alors Von Braun, non seulement avait toute la technologie, mais il était malin. Et il a caché tous ses documents, tous ses dessins, tous ses plans de la V2 dans une grotte, un puits de mine abandonné. Il y en a beaucoup dans les montagnes là-bas, des mines de sel, de plomb. Puis il a fait sauter l'entrée pour que personne ne la découvre. Alors quand il est allé trouver les Alliés, il s'est présenté en disant « Je suis Von Braun, j'ai construit la V2, j'ai tous les documents, ils sont à vous. Si vous m'emmenez en Amérique et que vous me donnez la citoyenneté américaine, on s'est jeté sur lui. » Je dirais du point de vue de la morale, c'est choquant. Yvonique de Noël est spécialiste des questions de renseignement. Il a écrit notamment le livre noir de la CIA. Vous avez, à la fin de la guerre, un certain nombre de personnalités, dont Eleanor Roosevelt, dont Albert Einstein, qui disent « c'est pas possible qu'on recrute ces gens-là, qu'on les enrôle, qu'on les fasse travailler ». Et d'un autre côté, eh bien, c'est le réalisme qui prime. On sait qu'on se dirige vers un affrontement avec le bloc de l'Est, qu'on va avoir besoin de tous les talents, que les Russes, de leur côté, font également la chasse aux scientifiques. Et donc, eh bien, soyons pragmatiques et recrutons-les. Et de facto, les réussites de ces recrues, du point de vue cynique américain, ont été très profitables. L'historien spécialiste du nazisme, Johann Chapoutot. On réemploie ces scientifiques qui sont traqués et appréhendés très rapidement en 1945. Il y a une course aux scientifiques, les ingénieurs de l'atome, les ingénieurs de la balistique, ceux qui ont inventé les fusées et les moteurs à réaction. On sait très bien désormais que le programme Apollo de conquête de l'espace et de la Lune est dû à cette expertise qui a permis la création de ces fusées balistiques de V2 qui ont impressionné les Américains parce que c'est les premiers objets humains à avoir franchi la barre des 100 km d'altitude à des vitesses inouïes. Naturalisé citoyen américain, le père des V2 est devenu sans transition pour les États-Unis le père des discovereurs. Eisenhower vient de lui confier la direction de tout le programme américain de l'espace et l'Occident compte sur lui pour rattraper l'avance russe. Cet homme, qui rêvait déjà enfant à la conquête de la Lune, quelle est son énigme? C'est à lui-même que je l'ai demandé. Docteur Von Braun, la poursuite d'un rêve d'enfant a fait de vous, vous le savez, l'un des hommes les plus passionnément discutés dans le monde. Les Anglais vous reprochent les V2, les Allemands, vos compatriotes, ou en tout cas certains d'entre eux, vous reprochent d'avoir abandonné votre pays au profit du vainqueur, et d'une façon générale, on peut dire que l'Occident vous a tenu un peu rigueur à vous, personnellement, de n'avoir pas su devancer les Russes dans la conquête de l'espace. Eh bien, cette accumulation de critiques prouve mieux que n'importe quoi le genre de difficultés que j'ai toujours eu à vaincre. En ce qui concerne les V2, ces projectiles étaient le sommet de la technique de fusée militaire avant et durant la guerre 39-45. Et je confesse que je ne ressentais que fort peu de scrupules à donner un maximum de développement et de puissance aux V2, bien que l'on dût s'en servir contre les villes ouvertes. Car leur effet était le même que celui des bombardements alliés contre les villes allemandes. C'était en somme un prêté pour un rendu. J'estimais à l'époque qu'en tant qu'Allemand, mon devoir était d'aider l'Allemagne à gagner la guerre, et cela n'avait pas grand-chose à voir avec le fait que j'étais pour ou contre le gouvernement des nazis. Les Américains en particulier, mais aussi les Britanniques, avaient créé des équipes chargées de se rendre dans les pays récemment libérés, à commencer par les Pays-Bas, pour recruter des cerveaux. On a ainsi établi une longue liste de tous ces scientifiques. Certains étaient vraiment des affreux, comme ce Werner von Braun. C'était un horrible nazi. Et notre problème était qu'ils avaient laissé des traces derrière eux, des tas de papiers. Nous avions des listes de qui était dans les SS, qui était ci et ça. Et alors comment les faire entrer dans le pays? Et on a besoin d'eux, on les veut. Alors on a utilisé la technique du trombone sur leur dossier, ce qui signifiait traitement prioritaire, c'était l'opération Paperclip, et nous avons falsifié leur biographie pour cacher tout leur passé nazi. Parlez-moi du cas Hubertus Strughold. Strughold était docteur en médecine. Sa spécialité était l'hypothermie et la pression. Les nazis étaient très concernés about their pilots that ended up shot down and ended up. Les nazis s'inquiétaient du sort de leurs pilotes abattus en mer du Nord. Comment les aider à survivre et après les avoir repêchés, comment les ranimer? En même temps, ils voulaient savoir à partir de quel point on devient fou à cause de la pression. Alors ils vous mettaient dans un avion, on essaye 15 000 pieds, 20 000, ça va encore, 30 000, bam, vous êtes foutu. Ils prenaient des humains comme cobayes. Pour ces expériences menées à Dachau, c'était en majorité des prisonniers de guerre russes. Et il y avait aussi des tziganes. Et des criminels, des prisonniers politiques et des juifs. Et les juifs n'étaient pas le groupe le plus nombreux. Donc Strughold avait conduit toutes ces expériences sur des humains, des centaines, qui étaient morts de froid ou dont le cerveau avait été bousillé, ils étaient morts. Et il connaissait le sort qui leur était réservé. Il a même fait une présentation officielle lors d'une convention nazie. Voici les résultats de nos expériences. On le voulait parce qu'on voulait ses données. Elles pouvaient nous aider à protéger nos pilotes. Et on voulait exploiter ces informations pour essayer d'atteindre la Lune avant les Russes. Donc là encore, on lui a bricolé un faux CV et on l'a fait entrer aux États-Unis. Et il nous a très bien servi. Il a inventé les casques, les combinaisons pressurisées qu'ont utilisées les astronautes. Il a reçu des médailles, des trophées. Et il a beaucoup apporté à la médecine aéronautique. Ces images inédites, filmées cet été pendant que vous dormiez sur les plages, ont peut-être changé sans que vous le sachiez la face du monde. C'est le départ de la fusée Polaris qui redonne à la stratégie américaine toutes ses chances en face des Russes. Lancée d'un sous-marin, c'est-à-dire d'une base mobile et difficilement repérable, Polaris atteint en 14 minutes un objectif situé à 1800 km. À demain pour la suite des chasseurs de nazis une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.